Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une petite comédie romantique américaine. Fraîchement séparée de son mari, Sandy débarque de sa banlieue tranquille avec ses deux enfants pour s'installer à Manhattan. Elle emménage dans un appartement juste au-dessus d'un café où elle rencontre Aram, qu'elle convainc bien vite de quitter son job de serveur pour devenir la nounou de ses enfants. Rapidement, le courant passe avec ce jeune homme de 20 ans, son cadet. Bienvenue à New York. On est là seulement parce que nos parents divorcent. Hé, maman, c'est génial. On écrit nos prénoms. Oh, c'est pas vrai. C'est drôle, tout le monde prétend que le divorce est un cauchemar. Mais je me sens bien. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. On se lâche. Est-ce que vous m'autorisez à accepter votre offre? Le babysitting. Tu ne viens pas de Trinidad, tu viens des beaux quartiers de Manhattan. C'est pour ça qu'on t'a envoyé à la fac. Tu m'as toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie. Est-ce que ça va? Je suis comme il faut. Difficile de faire mieux. Oh, c'est pas vrai. Tu as craqué pour la bonne d'enfant. Une minute. Tu vas tringler ta patronne. Oh, ça me chute. J'ai chaud. Elle doit avoir au moins 60 ans. Oh. Dégoûtant. Oh, merde. Non. Aram, vous faisiez pipi dedans? Mais non. Vous allez sortir ensemble. Tu seras notre nouveau papa. Mais arrêtez, les enfants. Je suis pas devenu le roi du monde, je vous signale. J'ai seulement sauté votre mère. Mon Babysitter, une comédie avec Catherine Zeta-Jones, un DVD Studio 37.